InshaAllah, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours numéro 55 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, al-Furqan, Bayna awliya al-Rahman wa awliya al-Shaytan, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et on est arrivé donc à un point où hier, à la fin, on expliquait que le fondement ou le principe qu'on a clarifié depuis plusieurs cours, c'est que il n'y a personne qui est infaillible. Il n'y a personne de qui on doit prendre tout ce qu'il dit et accepter tout ce qu'il fait sans se référer au Coran et à la Sunna. Et c'est ça que le Cheikh il explique maintenant, que même les meilleurs parmi les awliya, on n'a pas le droit de les suivre dans une erreur et qu'ils peuvent se tromper, ils ne sont pas infaillibles. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est ça la distinction en fait, entre les gens qui suivent réellement les awliya d'Allah et ceux qui suivent les awliya du shaytan. الشيخ من ناي ابن تيمية الذي فتجره مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال وآخرا إلى الكفر والنفاق ويكون له نصيب من قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Donc le cheikh il explique que نعم, comme on a, je veux juste relire le dernier passage qu'on a lu au dernier cours, il disait: فيوافق ذلك الشخص له ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه وبين أهل الجنة وأهل النار وبين السعداء والأشقياء فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين ومن لم يتبعه كان من أعدائه الخاسرين المجرمين فتجره مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال وآخره إلى الكفر والنفاق. Donc c'est ça. Le cheikh il explique donc que le fait de contredire le messager صلى الله عليه وسلم et d'être en accord avec cette personne, hein, que les gens considèrent comme étant un wali. Donc tu mets sa parole au-dessus de la parole du messager et tu contredis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour suivre cette personne. Donc qu'est-ce que ça amène? Eh bien ça premièrement ça t'amène à la bid'a et à l'égarement, et à la fin ça t'amène au kufr et au nifaq, hein, à la mécréance et à l'hypocrisie. Et la personne qui agit de cette manière, elle aura une part de la parole d'Allah. Dans le verset, dans Surat Al-Furqan, verset 27 à 29. Et vous allez voir, hein, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans ces versets-là. Il dit: le jour où l'injuste se mordra les deux mains, il dira: hélas pour moi, hein, malheur à moi si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré, loin du rappel, le Coran, après qu'il me soit parvenu, et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Donc c'est pour dire, la personne, elle préfère la parole d'un tel qu'elle considère être un wali, et elle délaisse la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien elle place cette parole de cette personne qui pense être un wali, ou bien que lui, il pense que c'est un wali, et il la suit et il contredit le messager sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, ça c'est comme le cheikh il dit, si la personne elle pense qu'elle est un wali, puis elle contredit le messager, ça veut dire que c'est pas un wali en réalité. Hein? Et le cheikh al-Fawzan il dit, مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم تجر أولا إلى الضلال والابتداع وثانيا تجر إلى العواقب الوخيمة في الدار الآخرة إلى الكفر وإلى الضلال ويتدرج من المعصية إلى البدعة إلى الضلال والكفر وهذا من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم يتدرج من المعصية إلى البدعة ومن البدعة إلى الضلال والكفر. Donc le cheikh dit le fait de contredire le messager sallallahu alayhi wa sallam, premièrement ça t'amène à l'égarement et à l'innovation, hein, à la bid'a. Puis deuxièmement ça t'amène à des conséquences qui sont très douloureuses et très nuisibles et très mauvaises à la fin. C'est que tu vas aller jusque dans la mécréance peut-être et dans l'égarement. Donc c'est quelque chose qui est graduel. Quand quelqu'un il s'égare, quand quelqu'un il sort de la voie du messager et il suit quelqu'un d'autre que le messager, il contredit le messager, eh bien premièrement il va tomber dans le péché jusqu'à la bid'a et ensuite jusqu'à l'égarement, jusqu'à le kufr. Hein? Donc ça c'est la réalité de la personne qui contredit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il s'égare du péché à la bid'a, de la bid'a jusqu'à l'égarement, jusqu'au kufr. Il dit ومن اتخذ مطاعا غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذه عاقبته ويوم يعض الظالم على يديه هذا من الندم يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا إذا دخل في النار يوم القيامة يقول هذه المقالة يعض على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني هذا الفلان لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا هذه العاقبه والعياذ بالله في من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم واطاع غيره ولو كان يزعم انه ولي لله. Donc il dit la personne qui a suivi quelqu'un et qui a obéi quelqu'un d'autre que le messager sallallahu alayhi wa sallam, la conclusion de cette personne là sera quoi? Sera que comme Allah il dit dans le verset, le jour où elle va mordre ses deux mains à cause du remords, à cause du remords et à cause des regrets, elle dit malheur à moi, pourquoi j'ai pas suivi le messager, j'ai pas suivi le chemin du messager. Lorsqu'elle rentre dans l'enfer, elle va dire ce genre de paroles. Elle va dire, en mordant ses mains, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager, oh malheur à moi, si seulement j'avais pas pris un tel comme ami. Une personne qui est dans la bid'a, une personne qui est dans l'égarement, une personne qui est dans le shirk ou dans le kufr. Et tu l'as pris comme ami, et cette personne t'a dévié du droit chemin. T'a fait sortir de la sunna, t'a fait sortir de la guidance. Et elle t'a fait emprunter un chemin d'égarement. Et tu vas dire, la personne qui agit comme ça, elle va dire, il m'a certes égaré du rappel, après que le rappel me soit venu, et le shaitan, il déserte l'homme après l'avoir tenté. C'est-à-dire, il vient, il te dit, fais le péché, puis une fois que tu l'as fait, il t'abandonne. C'est comme ça. Donc les gens de l'égarement souvent c'est comme ça, ils t'amènent vers l'égarement, une fois que tu es tombé dedans ils te laissent, ils t'abandonnent dans l'égarement, et donc il dit la conclusion c'est ça. Donc quiconque a désobéi au messager et a suivi ou obéi autre que lui, même si il pense être que cette personne est un wali, eh bien c'est ça sa conclusion, Allah musta'an. Le cheikh il dit ensuite, il cite un autre verset, il dit وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَيَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. Donc ça c'est les versets dans Sourate Al-Ahzab que le cheikh il a cité ici, les versets 66 à 67 dans Sourate Al-Ahzab, et on va lire ensemble ces versets là Hein? 66 et 67. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu, ils diront, hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. Et ils dirent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands, et c'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Hein? Ô notre Seigneur, inflige-leur deux fois le châtiment et maudis-leur d'une grande malédiction. Hein? Et Allah, il leur répond, il dit, c'est dans un autre verset mais il dit ensuite, Cheikh Al-Fawzan, pour expliquer ce verset-là, il dit, Hadihi aydan. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يعني يتمنون ها يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول عرفوا أن الذي أوقعهم في النار عرفوا خطأهم وعرفوا أن الذي أوقعهم في ذلك هو عدم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا أطاعوا العلماء والأمراء وعلماء الضلال والأمراء السادة وهم الأمراء والكبراء وهم العلماء السادة هم الأمراء والكبراء هم العلماء أطعنا سادتنا وكبراءنا مثل قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فأضلون السبيل ثم يدعون عليهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا ما عاد يفيد هذا ليس له معنى إلا التلاون والعياذ بالله. Donc le cheikh, il explique les versets qu'il a cités, les versets dans le verset 64, du verset 64 au verset 68. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah a maudit les mécréants et leur a préparé une fournaise pour qu'ils y demeurent éternellement sans trouver ni alliés ni secoureurs. Hein? Il dit, et le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu, ils diront, hélas pour nous. Et le cheikh, il dit, c'est-à-dire, ils vont souhaiter ce jour-là, ils vont avoir des remords et des regrets. Et ils vont souhaiter qu'ils auraient obéi aux messagers, obéi à Allah. Et donc, il dit, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. Donc, ils ont su, une fois qu'ils ont été dans l'enfer, leurs erreurs. Ils ont reconnu leurs erreurs. Et que ce qui les a fait tomber dans l'enfer, c'est le fait qu'ils n'ont pas obéi à Allah et obéi à son messager. Et il dit, ô notre Seigneur, ils dirent, nous avons obéi à nos chefs et nos grands. Et le cheikh, il dit, nos chefs, c'est-à-dire les dirigeants, les chefs politiques. Wal kubara, et nos grands, c'est-à-dire les ulama, mais les ulama de l'égarement, ceux qui ne sont pas sur la vérité, qui ne suivent pas la sunna, qui appellent à la bid'a. C'est comme dans le verset, dans Surat At-Tawbah, le verset 31, à propos des juifs et des chrétiens, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah. Donc ils les ont obéis dans le haram, ils leur ont obéi dans le péché. Et donc ils nous ont égarés du droit chemin. Donc ils vont faire des invocations contre eux et invoquer Allah contre eux. Ô Seigneur, inflige-leur deux fois le châtiment et maudit-les d'une grande malédiction. Donc ça c'est la réalité de cette situation de ces gens-là dans l'enfer. Donc ils invoquent contre eux. Ils disent « وَمَا عَدَى يُفِيدُ هَذَا » Ils disent « ça ne va pas leur servir à rien. » C'est juste une expression de leur remords et de leur blâme. « وَلَعِيَذُ بِاللَّهِ » Et il cite un autre verset maintenant dans Surat Al-Baqarah, versets 165 à 167. قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Donc on va lire ensemble ces versets dans la traduction. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets ce qui signifie, hein, verset 165 à 167, parmi les hommes, bon ça c'est le début du verset, parmi les hommes il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux à Allah, qui les aiment comme on aime Allah. Or les croyants sont plus ardents dans leur amour d'Allah que eux. Hein? Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah. Hein, elle appartient à Allah et que Allah est dur en châtiment. Et quand les meneurs désavouant les suiveurs, c'est-à-dire ceux qui, hein, qui étaient suivis par les gens, ils vont se désavouer de ceux qui les suivaient, ceux qui les suivaient dans l'égarement, ils vont se désavouer de ceux qui les ont suivis. Hein? Et là, à la vue du châtiment, c'est-à-dire quand ils vont voir le châtiment, ils vont dire à ceux qui les suivaient, nous on n'a rien à voir avec vous, pourquoi vous nous suiviez, on n'a rien à voir avec vous, hein? On veut rien savoir de vous, pourquoi vous nous suiviez, hein? Et les liens entre eux seront brisés, hein? Les liens entre eux seront brisés. Et quand les meneurs, hein? Donc c'est ça, et les suiveurs diront, donc ceux qui suivaient, ils vont dire, ah, si un retour nous était possible, alors nous nous désavouerions, comme ils se sont désavoués de nous. Hein? Comme eux se sont désavoués, nous on se serait désavoués d'eux aussi. Hein? C'est-à-dire si on pouvait retourner dans la vie d'ici-bas, puis qu'on allait être dans une situation où on pouvait changer quelque chose, hein? Si on aurait eu la capacité de faire ça, on se serait désavoué de nous aussi. Ainsi Allah leur montrera leur action, source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce verset. Il dit ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الأنداد الأنداد هم الشركاء لله عز وجل والشبهاء يشبهونهم بالله عز وجل يجعلونهم أندادا وعدلاء لله سبحانه وتعالى وهذه طريقة عباد الأصنام عباد القبور والأضرحة عباد الأشجار والأحجار كل من عبد غير الله فإنه إنما عبده لأنه يحبه فالكفار يحبون الأصنام ويحبون الأشجار والأحجار التي يعبدونها ويحبون الأضرحة لولا أنهم يحبونها ما عبدوها ولو كانوا يبغضونها ما عبدوها المؤمنون يحبون الله محبة خالصة ولذلك عبدوه وحده لا شريك له لا يحبون غيره محبة العبادة محبة العبادة محبة العبادة لا تجوز إلا لله وهي المحبة التي يكون معها ذل وانقياد وطاعة هذه لا تكون إلا لله عز وجل أما المحبة التي ليس معها ذل ولا انقياد فهذه محبة طبيعية مثل محبة الإنسان لزوجته وأولاده ومحبته للمال فهذه ليس معها ذل وانقياد وإنما هي محبة طبيعية فالكفار يحبون الأصنام ولذلك عبدوها والمؤمنون يحبون الله وحده فلذلك عبدوه وحده النتيجة يوم القيامة أن الذين يعبدون الأصنام يعبدون من دون الله أي شيء يتبرأ منهم من عبدوهم يوم القيامة الذين عبدوا الملائكة والذين عبدوا الأولياء والأنبياء وعبدوا يعني يتبرؤون منهم يوم القيامة في المقام الذي يحتاجون فيه أحوج ما يكون. بيّن الله هذا. Donc on va traduire cette partie. Le Cheikh il dit parmi les hommes il y en a qui prennent en dehors d'Allah des seigneurs et des égaux, hein, des partenaires qu'ils associent à Allah, ou bien des semblables ou des gens qu'ils comparent à Allah, hein, des créatures qu'ils comparent à Allah, ils font ressembler à Allah. et ils les mettent à égalité avec Allah dans l'adoration qu'il leur offre. Hein? Et ça, c'est l'attitude et la méthode des adorateurs des idoles. Ils adorent les tombes, hein, les adorateurs des tombes, les adorateurs des tombeaux, les adorateurs des arbres et des pierres, et tous les autres, tous ceux qui adorent quelque chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne les adorent que parce qu'ils les aiment. Ils ne les adorent en dehors d'Allah que parce qu'ils les aiment. Donc les kuffars, ils aiment les idoles, ils aiment les arbres, ils aiment les pierres qu'ils adorent en dehors d'Allah, ils aiment les tombeaux, et donc toutes ces choses-là qu'ils adorent, hein, ils les adorent uniquement parce qu'ils les aiment. S'ils les détestaient, ils ne les auraient pas adorés. Et les croyants, eux, hein, ils aiment Allah d'un amour pur. Ils aiment Allah lui seul et ils n'adorent que lui. Et ils ne lui donnent aucun partenaire dans leur adoration. Ils n'aiment personne d'autre par cet amour révérentiel, cet amour d'adoration. C'est seulement Allah qu'ils aiment avec cet amour-là. Hein? Et le shaykh, il dit, cette adoration, cet amour d'adoration, elle n'est permise que pour Allah seul. Et c'est un amour qui est accompagné de soumission et d'obéissance. Donc tout amour qui est accompagné de soumission et d'obéissance, elle ne peut être que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que l'amour avec lequel il n'y a pas d'humiliation ou d'humilité et de soumission, alors dans ce cas-là, c'est un amour naturel, comme l'amour pour quelqu'un, l'amour que quelqu'un a pour sa femme, l'amour que quelqu'un a pour ses enfants, l'amour que quelqu'un a pour l'argent. Ça, c'est l'amour naturel. Ça vient pas en contradiction avec l'adoration d'Allah. Hein? L'amour naturel, hein, c'est pas un amour qui est conflictuel ou qui a un problème avec la foi ou la religion. Non. Mais les kuffars, eux, leur amour pour leur idole, c'est un amour d'adoration. C'est un amour révérentiel qu'ils ont pour leurs idoles. Et ça, c'est du shirk. Et c'est pour ça qu'ils adorent ces idoles-là en dehors d'Allah. Tandis que les croyants, eux, ils n'aiment que Allah seul. Et c'est pour ça qu'ils n'adorent que lui. Et personne d'autre que lui. Et le résultat, au jour de la résurrection, c'est que ceux qui adoraient les idoles, ou qui adoraient quelque chose, ou une chose quelconque en dehors d'Allah, eh bien, les choses qu'ils adoraient vont se désavouer d'eux au jour de la résurrection. Donc ceux qui adoraient les anges, ceux qui adoraient les awliya, ceux qui adoraient les prophètes, eh bien, au jour de la résurrection, ils vont se désavouer d'eux. Ils vont dire, pourquoi vous nous adoriez? On ne vous a jamais ordonné de nous adorer. Hein? Et votre adoration, elle est fausse. Et donc, ils vont se désavouer de ceux qui les adoraient dans le moment ou dans la situation dans laquelle ils avaient le plus besoin, hein, de leur support et de leur aide. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il explique ça dans le verset, dans plusieurs versets dans le Coran. Et le shaykh, il cite certains de ces versets-là. Il dit, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. ويقول تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون. يعني المعبودون كذبوا عابديهم يوم القيامة يقولون أبدا ما أمرناهم ولا رضينا أنهم يعبدوننا من دون الله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة أي رجوعا إلى الدنيا يتمنون لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار والعياذ بالله. هذا المآل, هذه العاقبة لمن أطاعوا غير الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا مآلهم يوم القيامة. ولذلك يقول قائلهم Ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 5 à 6 dans sourate Al-Ahqaf, et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah celui qui ne peut pas lui répondre jusqu'au jour de la résurrection, et qui sont insouciants et indifférents de leurs invocations. Et lorsque les hommes seront ressuscités, ils seront leurs ennemis, hein, et vont renier l'adoration qu'ils leur vouaient. Hein, c'est-à-dire ils vont renier l'adoration qu'ils leur ont vouée. Hein, c'est-à-dire que ces choses que ces mouchriquines adoraient en dehors d'Allah, eh bien, eux-mêmes vont se désavouer d'eux et vont renier l'adoration qu'ils leur offraient. Et le cheikh il explique ensuite un autre verset. Hein? Ce verset-là, c'est le 5 et 6 dans Surat Al-Ahqaf. Et les autres, l'autre, c'est dans Surat Al-Furqan, les versets 17 à 19. Hein? Le verset 17 à 19 dans Surat Al-Furqan, je vais le lire de la traduction. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et le jour où il les rassemblera, eux et ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, il dira, est-ce vous qui avez égaré mes serviteurs que voici, ou ont-ils eux-mêmes perdu le sentier? Ils diront, gloire à toi, il ne nous convenait nullement de prendre en dehors de toi des patrons protecteurs, mais tu les as comblés de jouissances, ainsi que leurs ancêtres, au point qu'ils ont oublié le livre du rappel, le Coran, et ils ont été des gens perdus. Ils vous ont démenti, et ce que vous dites, c'est-à-dire que ceux qui faisaient le shirk et qui adoraient d'autres que Allah, hein, Allah va demander à ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, est-ce que c'est vous qui avez ordonné à ces gens-là de vous adorer? Et ils vont dire non, jamais, on n'a jamais ordonné ça à ces gens-là, hein, on leur a jamais dit ça. Et يعني Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ. Ils vous ont démenti dans ce que vous dites. Hein? Donc le cheikh dit les objets que vous adoriez, ou les choses, ou les personnes que vous adoriez en dehors d'Allah, vont démentir, hein, le shirk que vous faisiez au jour de la résurrection. Et ils vont dire, jamais on a ordonné à ces gens-là de nous adorer, et on n'a jamais été satisfait qu'ils nous adorent en dehors d'Allah. Et c'est ça l'exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les versets dans Surat Al-Baqarah, lorsque ceux qui ont été suivis vont se désavouer de ceux qui les ont suivis, et lorsqu'ils vont voir le châtiment, et tous les liens avec eux vont être coupés, hein, et ceux qui ont suivi vont dire, et si seulement on avait la chance de revenir encore une fois dans la dunya, ils souhaitent que s'ils pouvaient revenir pour se désavouer de ceux qu'ils ont adorés, de la même manière que eux se sont désavoués d'eux, hein. Et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala leur montre leurs œuvres et leurs actions comme étant une source de remords, hein, contre eux au jour de la résurrection, et ils ne sortiront jamais de l'enfer, wal'iyadu billah. Et c'est ça donc leur destinée et leur destination, et c'est ça la conclusion de ce qu'ils ont fait. Quand ils ont obéi autre que le messager, eh bien, ils ont eu cette fin, hein, dans l'au-delà, au jour de la résurrection. Et c'est pour ça que l'un d'entre eux, il dira au jour de la résurrection, « Malheur à moi, si seulement j'avais choisi le chemin avec le messager. » Toute personne qui suit le messager d'Allah, qui suit autre que le messager d'Allah, et qui l'obéit dans ce qui contredit l'ordre d'Allah et de son messager, eh bien, il aura cette conclusion-là et ce sort-là aussi. Et le cheikh, il dit, « وَهَاُلَا مُشَابِهُونَ لِلنَّصَارَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Donc le verset dans Surat At-Tawba, le verset 31, Allah subhanahu wa ta'ala, donc le cheikh dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne également que ces gens-là ressemblent aux chrétiens, ceux à propos desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ils ont pris leur rabbin et leur prêtre et leur moine comme seigneur en dehors d'Allah, ainsi que le Messie, fils de Marie, alors qu'il n'avait été ordonné que d'adorer Allah seul, une divinité unique. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Gloire à lui de ce qu'il lui associe, hein, et du shirk qu'ils font. Qu'il soit purifié de ce shirk. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit: Ha'oula illadhina yattakhidhuna l'awliya wa s-salihin, yattakhidhunahum awliya ma'budin, la yunaqishunahum fi shay' wa yuti'unahum ta'atan umya. Ha'oula lahum shabahun bin nasara الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الأحبار العلماء والرهبان هم العباد اتخذوهم أربابا من دون الله. ومعنى هذا أنهم سجدوا لهم. ما معنى هذا أنهم سجدوا لهم وأنهم ذبحوا لهم وأنهم لا بل كان بين كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أحلوا لهم الحرام فاستحلوه وحرموا عليهم الحلال فحرموه فهذه عبادتهم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فدل على أنه لا يجوز طاعة العلماء والأمراء والأنبياء حتى الأنبياء لا يجوز أنهم يتخذونهم أربابا من دون الله حتى الأنبياء لا يتخذون أربابا من دون الله. فالنصارى اتخذوا المسيح ربا فقالوا إنه ابن الله تعالى الله عما يقولون. الربوبية خاصة لله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique que ceux-là qui prennent les awliya et les salihin et les hommes pieux et les saints et les gens qui sont rapprochés d'Allah, ils les prennent comme des objets d'adoration, ils les adorent en dehors d'Allah, ils les obéissent de façon absolue, ils ne discutent rien de ce qu'ils ordonnent, tout ce qu'ils disent ils l'acceptent, ils discutent rien, ils débattent rien, ils obéissent d'une obéissance aveugle à tout ce qu'ils disent. Il dit, ces gens-là, ils ont une ressemblance avec les chrétiens. Les chrétiens, ils sont comme ça. Avec leurs prêtres, avec leurs évêques, avec le pape. Quand ils disent quelque chose, ils n'ont pas de mots à dire. Ils discutent jamais, ils obéissent aveuglément. Le prêtre a dit, c'est la vérité absolue. C'est comme si le prophète avait parlé pour eux. Et beaucoup de chrétiens, comme ça, tu leur dis, subhanallah, c'est le prêtre qui l'a dit, donc on doit l'accepter, on doit croire. Et ma grand-mère, elle était comme ça. Quand je lui expliquais, je dis, il y a un seul Dieu, il ne faut pas adorer Jésus. Jésus, c'est un être humain, c'est un prophète. Il n'a jamais ordonné de l'adorer. Il a dit, nous, on croit en ça, c'est un mystère. Le prêtre, il nous l'a dit, donc on l'accepte. Oui, c'est un mystère. Le prêtre, il a dit que c'est un mystère, on doit l'accepter. Il ne se pose pas de questions. Un musulman, peu importe qui, même si c'est le plus grand cheikh, le plus grand alim au monde, s'il dit quelque chose, tu lui dis, donne-moi le dalil. Où est-ce que Allah a dit ça? Où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça? Tu lui demandes la preuve. Tandis que les chrétiens, non. Le prêtre l'a dit, ça y est. Mais il ne va même pas mentionner un verset. Il ne va même pas mentionner une référence dans la Bible ou quoi. Non, même pas besoin. Il dit ça, lui-même, il dit ça y est. Ça veut dire que c'est la vérité pour eux. Et donc, il y a parmi des musulmans qui sont comme, ils agissent comme les chrétiens. Et ils ont cette ressemblance-là avec eux. C'est Adi ibn Abi Hatim. Adi ibn Hatim, pardon. Donc, le cheikh, il va le citer cet exemple-là. Le cheikh, il dit, ces gens-là, ils ont une ressemblance avec les chrétiens. Il dit, Al-Ahbar, c'est les ulama, et Ar-Ruhban, c'est les adorateurs. Et eux, les chrétiens, ils ont pris leurs prêtres et leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils se prosternaient à eux ou qu'ils leur faisaient des du'as ou qu'il il faisait des sacrifices pour eux ou des choses comme ça. Non. La, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué à Ali ibn Hatim, c'est pas par le fait de se prosterner devant eux ou des choses comme ça qu'ils les adoraient, mais c'est en considérant que ce que eux déclarent haram de ce que Allah a rendu halal, ils le rendaient haram. Ou bien s'ils rendaient quelque chose haram, ils rendaient quelque chose haram parmi les choses que Allah a permis, eux ils le rendaient haram. Ou si quelque chose qui était haram et que eux avaient rendu halal, ils le rendaient halal. Hein? Quelque chose que Allah a déclaré halal, eux ils l'ont rendu haram, eux ils le déclarent haram. Donc ça veut dire ils les suivent aveuglément dans la religion, même lorsque ils vont en contradiction avec le livre. Hein? Et ils savent qu'ils contredisent le livre et ils les suivent malgré tout dans la contradiction de leur livre. Donc ça c'est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est comme ça que vous les adoriez, en dehors d'Allah. Et c'est ça le shirk que vous faisiez avec eux. Et parmi les gens aujourd'hui qui sont musulmans, il y en a qui agissent comme ça avec leurs chouyours, avec leurs cheikhs, avec leurs marabouts ou avec leurs imams, ou bien avec d'autres personnes comme ça. Le cheikh il dit quelque chose, c'est contraire au Coran, c'est contraire à la sunna, mais c'est pas grave pour eux. On leur obéit et on les suit aveuglément, même s'ils contredisent le Coran, même s'ils contredisent la sunna. Donc ça rentre dans le shirk. Ça fait partie de les prendre pour des égaux en dehors d'Allah. Et il dit, et même le prophète Isa ibn Maryam, on n'a pas le droit de le prendre comme un seigneur ou un égal avec Allah. Le cheikh il dit, ça c'est la preuve qu'il n'est pas permis d'obéir aux ulama, d'obéir aux dirigeants, d'obéir même aux prophètes. Il dit même les prophètes, c'est pas permis de les prendre comme des égaux avec Allah et des seigneurs avec, de les prendre comme des seigneurs avec Allah. Même les prophètes et les chrétiens, eux, ils ont pris Jésus, le fils de Marie, ils l'ont pris comme un égal avec Allah, comme un seigneur qu'ils adorent en dehors d'Allah, et ils disent que c'est le fils d'Allah. Donc on sait que la rububiyya c'est spécifique à Allah, on n'a pas le droit de la donner à quiconque autre que Allah. Ça c'est une question, c'est que en fait chaque musulman il doit croire dans son cœur que ce qui est halal c'est ce que Allah a rendu halal et ce qui est haram c'est ce que Allah a déclaré haram. Qu'est-ce que les hommes ont changé de la, qu'est-ce que les hommes ont voulu déclarer halal ou haram selon leur propre loi ou selon les systèmes ou les constitutions ou quoi, qu'est-ce qu'ils ont écrit eux-mêmes avec leurs mains, on ne doit pas croire en ça. On n'a pas le droit de croire en ça. Parce que ça, c'est des choses qui sont en contradiction avec ce que Allah a révélé. Le musulman, il ne tient pas compte de ce que les hommes ont écrit comme loi avec leurs mains. Ça, ce n'est pas des lois qui sont valables pour les croyants. Ça, c'est des lois pour les koufars. C'est les koufars qui croient en ces lois-là. Et le musulman, il n'a pas le droit de croire en une loi qui contredit le Coran et la Sunna. D'accord? Donc, que ce soit des gens qui croient en des ulamas de dalal qui font des bid'a et des innovations et qui légifèrent dans la religion d'Allah, ce que Allah n'a pas légiféré au nom de la religion, ça, on n'a pas le droit de croire en ça. De la même manière qu'on n'a pas le droit non plus de suivre dans la religion d'Allah ceux qui rendent halal ce qui est haram, ceux qui rendent haram ce qui est halal au nom de la religion. Et si c'est quelqu'un qui le fait au nom de la dunya, parce qu'il est laïque ou bien il croit en la laïcité et il pense qu'il n'y a pas de place dans la politique ou dans l'économie ou dans la société, pour les règles religieuses, que ça doit être séparé de la vie, eh bien ça aussi c'est du kufr, c'est de la mécréance. Et celui qui croit en la laïcité, il ne peut pas être musulman. Et celui qui est musulman, il ne peut pas être laïque. C'est comme le feu et l'eau, c'est deux choses qui ne peuvent pas se mélanger. Mais il y a des musulmans qui sont tellement ignorants de la réalité de l'islam, qu'ils pensent qu'on peut être musulman et laïque en même temps. Ou qui pensent qu'on peut être musulman et communiste en même temps, ou qui pensent qu'on peut être musulman et socialiste en même temps, ou qui pensent qu'on peut être musulman et athée en même temps. J'ai entendu ça dernièrement, j'arrivais même pas à croire. Comment quelqu'un peut penser qu'on peut être musulman et athée en même temps? C'est quelqu'un, ses neurones sont brûlés, je pense. Hein? Oui, exact. Bon, c'est cette catégorie de personnes-là qui pensent que l'islam, c'est juste une culture ou quelque chose de folklorique. C'est-à-dire que parce que tu es né musulman, donc c'est ton héritage culturel, folklorique, et même si tu n'y crois pas, tu es quand même musulman. Hein? Comme si c'était une maladie héréditaire dont tu as hérité, puis tu ne peux plus te guérir, t'en débarrasser. Hein? Donc tu es musulman malgré toi, hein? Même si tu ne veux pas l'être. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est parce que c'est des gens qui n'ont rien compris à l'islam. L'islam c'est avant tout une croyance. C'est une aqida. Et si tu n'y crois pas, tu n'es pas musulman. Il hein? n'y a rien qui peut te sauver de l'enfer si tu n'as pas cru en l'islam. Disons qu'il y a, une grande partie des musulmans qui ont peut-être dévié dans certains aspects. C'est un fléau, malheureusement, l'Amstan. Et surtout ceux là qui ont ouvert des mosquées maintenant, tu te demandes si c'était pour des buts politiques ou bien si c'est pour adorer Allah réellement. Parce que quand tu entends les discours de certains imams, on se demande si on n'est pas en train d'écouter les bulletins de nouvelles ou bien si on est en train d'entendre autre chose, parce qu'ils ne parlent pas de l'islam. Hein? Ils ne parlent pas selon le Coran et la Sunna, malheureusement. Et comme je disais dans la khutba aujourd'hui, hein, l'exemple de la parole de Jabir, radiyallahu anhu, quand les Ansars sont venus à Mecca, puis ils ont dit au messager d'Allah, on va te supporter, on va te défendre dans la propagation du tawhid et de l'islam. Eh bien, on voit cet exemple de la part des Ansars, elle était claire. Hein? Ils ont dit, ya Rasulallah, on croit en toi, on va accepter ta religion, on te donne la bay'a, pour qu'est-ce que tu nous ordonnes, on t'obéit, on te suit, et tu vas transmettre le message d'Allah. Hein? Et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme commencer à vouloir faire des compromis. Les Ansars, ils sont pas venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, bon, écoute, on va t'accepter, sauf que tu dois pas parler de ça. Tu dois pas dire les mouchriquines, qu'est-ce qu'ils adorent, c'est faux. Il faut que tu, hein, il faut accepter toutes les différentes idoles. Sinon, on peut pas te protéger. Non. Aujourd'hui, c'est comme ça maintenant. Ils veulent dire aux imams, bon, écoutez, vous pouvez me prêcher, vous pouvez enseigner, mais il faut pas critiquer les autres croyances. Il faut pas critiquer les autres religions. Il faut pas critiquer les idoles. Il faut pas critiquer les sectes. Ajib. Ça veut dire que c'est une autre religion. C'est pas l'islam, ça. Qu'est-ce que eux, ils enseignent, ces gens-là? Nasallallahu alayhi wa sallam. Oui, on a déjà expliqué ça. Les sectes, soit qu'elles sont complètement en dehors de l'islam, ou soit qu'elles sont à l'intérieur de l'islam, mais qu'elles ont des déviations et des égarements. Et dans le premier cas, si elles sont en dehors de l'islam, elles seront dans l'enfer pour l'éternité. Mais si elles sont dans un égarement qui est moindre que la mécréance ou le shirk majeur, dans ce cas-là, elles sont sous la menace du châtiment d'Allah. Non, ça c'est du kufr clair. Il y a des soufis qui disent des paroles comme ça. Même dans Al-Ghazali, il a mentionné des paroles comme ça. Il y en a parmi les soufis, par exemple, Al-Ghazali, il a mentionné ça dans son livre Ihya Ulumuddin, je pense. Il dit dans un endroit, pourquoi t'étais pas allé voir le Cheikh ou quelque chose comme ça. Il a dit non, mais j'étais occupé à faire le dhikr d'Allah. Alors il lui a répondu, il a dit tu t'es laissé distraire du cheikh par Allah ou quelque chose dans ce sens-là. Yani, c'est comme une parole vraiment grave. Tu dis comment ils peuvent dire des paroles pareilles? Allah al-musta'an. Donc le cheikh il dit wa fil musnad wa sahahahu at-Tirmidhi an Adi ibn Hatim, c'est ça le hadith, fi tafsirih hadhihi al-aya. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ما عبدوهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحل لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، كانت هذه عبادتهم إياهم. ولهذا قيل في مثل هؤلاء إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول، فإن أصل الأصول تحقيق الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique le verset 31 dans sourate At-Tawbah par le hadith qui a été rapporté par At-Tirmidhi et dans la Musnad également, qui est un hadith authentique rapporté selon Adi ibn Hatim et qui est le tafsir du verset 31 dans sourate At-Tawbah, quand Allah il dit ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah. Adi ibn Hatim, qui était un chrétien avant l'islam, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était chrétien avant et il s'est converti à l'islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui récitait ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ils ont pris leur rabbin et leur moine comme des seigneurs en dehors d'Allah. Alors Adi ibn Hatim, quand il a entendu ça, il a dit on les adorait pas. On ne les adorait pas, les moines et les rabbins. C'est-à-dire, lui, il a pensé que ça voulait dire on ne se prosternait pas à eux, on ne leur faisait pas des adorations. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a répondu en disant, n'est-ce pas qu'ils ont rendu haram ce qui est, ils ont rendu halal ce qui est haram, et ils ont rendu haram ce qui est halal pour vous, et vous les avez obéis là-dedans? C'était ça votre adoration pour eux. C'était ça votre adoration pour eux. De leur obéir dans le fait de rendre halal ce qui est haram ou de rendre haram ce qui est halal. Et le cheikh il dit c'est pour ça que on a dit à propos de ces gens-là que ils ont été privés d'arriver à leur objectif parce qu'ils ont complètement perdu les fondements de la religion. Et la base de tous les fondements, c'est de réaliser et de concrétiser la foi en ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené. Et le cheikh Al-Fawzan, il fait deux commentaires par rapport à ce passage-là. Le premier, il dit أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال فالتحليل والتحريم حق لله عز وجل لا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم بدون دليل من الكتاب والسنة من حرم شيئا أو أحل شيئا بدون دليل من الكتاب والسنة فقد شارك الله في ربوبيته. Donc le cheikh il dit ils leur ont obéi dans le fait de rendre halal et dans le fait de rendre halal le haram ou dans le fait de rendre haram ce qui est halal. Et il dit le fait de rendre halal et le fait de rendre haram quelque chose, ça c'est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas permis à quiconque de rendre halal ou de rendre haram quoi que ce soit sans une preuve venant du Coran ou de la Sunna. Et donc quiconque veut interdire quelque chose ou rendre licite quelque chose sans preuve du Coran et de la Sunna, alors il s'est associé à Allah dans sa seigneurie et dans sa seigneurie et dans sa rububiyya. Et la rububiyya, c'est un droit exclusif d'Allah. Donc c'est comme s'il veut se mettre à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala en rendant halal ce qui est haram ou en rendant haram ce qui est halal. Et le cheikh il dit également قيل في هؤلاء الذين أطاعوا الأحبار والرهبان والعباد والأولياء حرموا الوصول لأنهم ضيعوا الأصول ولأن الأصول هي طاعة الله ورسوله طاعة الله ورسوله واتباع الكتاب والسنة هذه هي الأصول ولما ضيعوها حرموا الوصول إلى الله ولهذا من الحكمة يقولون من ضيع الأصول حرم الوصول. Le cheikh dit que ces gens-là qui ont obéi à leurs rabbins, à leurs moines, à leurs adorateurs et à leurs awliya, à leurs saints, ils ont été privés d'arriver à leur objectif ou à leur but dans la religion parce qu'ils ont perdu les fondements et les bases de la religion. Et les bases c'est quoi? C'est l'obéissance d'Allah et de son messager et de suivre le Coran et la Sunna. Et il dit ces fondements-là, puisqu'ils les ont perdus, eh bien, ils ont été privés d'arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, donc, ça fait partie des sagesses que les ulama ils apportent. Man daya al-usul, hurim al-usul. Donc, celui qui a pas, qui a perdu les fondements, il peut pas arriver à destination. Et parce que ça rime, il y a une rime entre les deux. Donc, ça fait comme un jeu, une sorte de proverbe. Man daya al-usul, hurim al-usul. Et c'est une expression qui est employée pour cet exemple-là, pour ce cas-là, et aussi qui s'est employée pour d'autres contextes aussi, comme par exemple dans les différentes sciences, dans les différentes sciences de l'islam. Si quelqu'un il n'a pas appris les bases de cette science, puis qu'il veut arriver à avancer dans des livres qui sont trop avancés, il va pas profiter de ces livres-là. Pourquoi ? Parce que il n'a pas étudié les bases en premier. Et ça, c'est bon, c'est vrai pour n'importe quelle science. C'est vrai même pour les sciences de la dunya. Les mathématiques, la physique, la chimie. Si t'as pas appris les bases, que tu vas apprendre, avancer plus loin, ben, tu vas te perdre. Tu vas pas profiter. Man daya al-usul, hurim al-usul. Al-wusul, wasala yasilu, wusulan, l'arrivée. Man daya al-usul, hurim al-wusul. Ensuite, le shaykh dit, fala buddha min al-iman billahi wa rasulihi, wa bima ja'a bihi al-rasul sallallahu alayhi wa sallam ila jami' al-khalq, insihim wa jinnihim. عربيهم وعجمهم علمائهم وعبادهم ملوكهم وسوقتهم. Donc le cheikh dit, il est obligatoire parmi les éléments de la foi en Allah et en son messager, c'est-à-dire c'est obligatoire de croire, et t'as pas le choix de croire en Allah et en son messager et en ce qui est rapporté ou ce qui est venu de la part du messager à toutes les créatures, qu'ils soient des êtres humains ou des djinns, qu'ils soient des arabes ou des non-arabes, qu'ils soient des savants ou des adorateurs, qu'ils soient des rois ou des gens de la rue, peu importe. Tous ces gens-là sont ordonnés de croire en Allah et en son messager et de suivre et de croire en ce qui a été rapporté par le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage-là. Il dit, « La buddha min al-imani bi anna al-rasul sallallahu alayhi wa sallam » مبعوث إلى الجن والإنس والعرب والعجم مبعوث إلى الثقلين مبعوث إلى كل الناس إلى الملوك والأمراء والصعاليك والعلماء والجهال فهو مرسل إلى الجميع تجب على الجميع طاعته سبحانه وتعالى ويجب على الجميع امتثال أمره ليس لأحد أن يخرج عن طاعته عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول إنه وصل إلى الله وليس في حاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول الصوفية أو يدعي للولي أنه أعلم وأعرف لأنه صار من العارفين ويأخذ عن الله وليس بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقوله غلاة الصوفية فلا يسع أحدا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يطيعه ويتبعه حتى لو وجد من الأنبياء أحد بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يتبعه كما قال صلى الله عليه وسلم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول يعني محمدا صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه أخذ الله الميثاق على الأنبياء فكيف بغيرهم. On va traduire ça puis après on continue inshallah. Le cheikh il dit, il faut donc absolument croire en le messager صلى الله عليه وسلم et qu'il a été envoyé aux djinns et aux hommes, aux arabes et aux non-arabes, et qu'il a été envoyé également aux deux mondes, les djinns et les hommes, et envoyé à tous les êtres humains et également aux rois et aux dirigeants et aux gens de la rue, aux gens pauvres, à toutes les catégories de la société, les ulama, les savants, les ignorants. Il est envoyé à tout le monde. Et ça, c'est une preuve en plus contre les laïcs, encore une fois. Hein? Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé même, pas seulement pour les hommes en général, mais également même aux rois, il leur envoyait des lettres. Hein? Les rois de son époque, les empereurs de son époque, César et l'empereur de Perse, et le roi d'Éthiopie, et le roi de l'Égypte, et les différentes régions, les différents dirigeants de son époque, qui était présent quand il était là, il leur a tous envoyé des messagers avec des lettres pour les appeler à accepter l'islam. C'est la preuve que la religion de l'islam, hein, elle est au-dessus de la politique des hommes et au-dessus des lois des hommes. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même les dirigeants de son époque, il les a appelés à se soumettre à Allah et à obéir à la révélation. Et donc ensuite le cheikh il dit donc il est obligatoire à tous les hommes de lui obéir, à toutes les créatures de lui obéir, et c'est-à-dire les hommes et les djinns, et que tout le monde est ordonné de mettre en application son commandement et son ordre, et que personne n'a la permission de sortir de son obéissance, l'obéissance du messager sallallahu alayhi wa sallam, et personne n'a le droit de dire moi je suis arrivé à Allah, j'ai pas besoin du messager. Hein, comme les soufis, hein, qui prétendent qu'ils sont des awliyas et que par conséquent ils n'ont plus besoin du messager parce que eux ils ont pris directement d'Allah et parce que eux ils sont des gens qui ont une connaissance mystique d'Allah, hein, Allah al-musta'an. Ils prétendent même que le wali connaît mieux Allah que le prophète, sallallahu al-afiyah, et que donc ils n'ont pas besoin de messager. Donc ça, c'est les extrémistes parmi les soufis, hein, qui ont ce genre de croyances-là. Et il dit donc, il n'y a personne, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a le choix, hein, dans le fait de lui obéir et de le suivre. Il dit, même si c'était un prophète qui venait, hein, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas le choix que de lui obéir et de le suivre. Comme l'exemple que le cheikh il a mentionné maintenant, dans Surat Al-Imran, verset 81, il dit, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a pris le pacte et l'engagement avec les prophètes, hein, si un livre ou une sagesse vous vient, hein, si vous vient un livre ou une sagesse, puis qu'un messager vous vient, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui vient confirmer ce que vous avez avec vous, que vous devez croire en lui et le supporter, le défendre. Et ils ont pris l'engagement, les messagers ont pris l'engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils allaient effectivement faire ça. Alors si c'était le cas pour les prophètes, et que si Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait prendre l'engagement que si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venait pendant qu'ils étaient présents, ils devaient le supporter et le défendre, que dire de quelqu'un d'autre que les prophètes, hein? Et il dit ensuite, le cheikh, أنه لو بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لو بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد منهم حي موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام أو أي رسول فإنه يتبع هذا الرسول لأن الرسالة صارت له عليه الصلاة والسلام وهو خاتم المرسلين فلا يسع أحدا إلا طاعته سبحانه صلى الله عليه وسلم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري أي عهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين هكذا أخذ الله الميثاق على الأنبياء أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم لو بعث أحد منه وأحد منهم حي لأن رسالته عامة للثقلين للجن والإنس والأنبياء وغيرهم لا يسع أحدا الخروج عن طاعته صلى الله عليه وسلم فكيف يسع مشايخ الصوفية أن يخرجوا عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يسع الأولياء أن يخرجوا عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا خرجوا فإنهم لا يكونون أولياء، لا يكونون أولياء لله، وإنما يكونون أولياء للشيطان. Donc le cheikh il dit ensuite que si donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 81 que si jamais un messager, pendant qu'il y a un messager qui est présent et que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient, que ce soit Moussa ou Isa ou n'importe quel autre prophète, qu'il devait suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, parce que c'est à lui que revient le message et c'est lui le dernier des messagers. Donc personne n'a le droit de suivre un autre messager après sa venue sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit dans la suite du verset, puis qu'un messager vous vient qui confirme ce qui est avec vous, que vous deviez croire en lui et le secourir. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, est-ce que vous acceptez cela et vous prenez mon engagement, vous prenez mon pacte et mon alliance, mon engagement par rapport à ça? Et ils ont tous dit oui, nous confirmons que nous acceptons cela. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit, alors soyez témoins et je suis avec vous parmi les témoins. Et il dit que ça c'est l'exemple de l'engagement et le pacte que Allah subhanahu wa ta'ala a pris avec tous les messagers qu'il devait suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait être envoyé pendant que l'un d'entre eux serait vivant. Parce que son message, il est un message général à tous les djinns et les hommes, et y compris les messagers, et autres également. Et personne n'a le droit de sortir de son obéissance. Donc comment les shuyukh parmi les soufis pourraient prétendre qu'ils ont le droit de sortir de l'obéissance du messager sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'ils ont, par exemple, parce qu'ils sont des awliya, ils n'ont pas besoin d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit, si ils sortent de son obéissance, alors dans ce cas-là, ils ne seraient pas des awliya. Et ils ne seraient surtout pas des awliya d'Allah, mais ils seraient plutôt des awliya du shaytan, des alliés du shaytan. Et on voit l'exemple de cette parole-là, lorsque on sait qu'à la fin des temps, Isa ibn Maryam, il va revenir et il n'aura pas d'autre choix que de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré que c'est lui-même un prophète. La même chose aussi, on voit dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu avait des pages de la Bible avec lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu avec ça, et il lui a dit, « Amutahawikuna ya ibn al-Khattab, law kana Musa hayyan, ما كان له إلا أن يتبعني. C'est-à-dire, il lui a dit, oh Ibn al-Khattab, est-ce que tu as des doutes? Il a dit, même si Moussa alayhi salam était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. Donc ça, c'est pour dire que même si Moussa alayhi salam était vivant aujourd'hui, et même si la Torah que les juifs ont aujourd'hui, même si c'était la vraie Torah qui n'a pas été falsifiée et que ce serait authentique, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'auraient pas d'autre choix malgré tout que de suivre l'islam et de croire au messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de suivre le Coran. Donc si c'est le cas pour ces messagers d'Allah et ces prophètes d'Allah, eh bien que dire de ceux que les hommes considèrent comme étant des awliya ou des hommes pieux ou des saints ou des ulama ou des imams ou des marabouts ou des shuyukh ou peu importe le titre qu'on peut leur donner. Le cheikh il dit ensuite wa annahu la tariqa ila Allah li ahadin min al-khalq illa bi mutaba'atihi batinan wa zahiran. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a un chemin vers Allah, excepté, il n'y a personne parmi les créatures qui a un chemin vers Allah, excepté en suivant le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, batinan wa zahiran, c'est-à-dire intérieurement et extérieurement. Kullu hadha, يعني كل هذا تستفيد به يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. كل ما نقرأ الآن هذا يدخل في هذا ما شاء الله. فما بقي لنا كثير إن شاء الله. va finir ça puis après on va passer au tafsir. Le cheikh il dit أنه لا طريق إلى الله. Il y a pas de chemin pour aller à Allah excepté le chemin du messager صلى الله عليه وسلم. Intérieurement et extérieurement, le cheikh il dit باطنا وظاهرا لا تكفي المتابعة ظاهرا هذه طريقة المنافقين لا بد أن يتابعه باطنا وظاهرا. Donc le cheikh il dit tu dois suivre le messager intérieurement, extérieurement, c'est-à-dire c'est pas juste en apparence avec les mouvements ou les gestes ou le corps, puis à l'intérieur de toi-même tu ne crois pas. Il dit ça c'est la voie des hypocrites. Il faut absolument que tu le suives en ayant la foi intérieure et en le suivant extérieurement aussi. Et il dit ensuite حتى لو أدركه موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Et le cheikh il dit, il explique la fin de ce verset, فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون, يعني بعد أخذ هذا العهد من تولى فأولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى كل الأنبياء على هذا. Donc il dit par rapport au verset qu'on a mentionné tout à l'heure, il dit même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait rencontré Moussa ou Isa ou un autre parmi les prophètes, il n'aurait pas eu d'autre choix que d'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de le suivre. Et dans le verset, on voit qu'à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Et quiconque se détourne après avoir pris cet engagement-là, alors ceux-là sont les pervers, sont les pécheurs. » Et le cheikh, il dit à ce sujet-là, c'est-à-dire, ils sont sortis de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala après avoir pris cet engagement-là, s'ils se détournent par la suite. Hein? Et ça, cet engagement-là, elle a été prise, yani, même par les prophètes d'Allah. Hein? Elle a été prise par les prophètes d'Allah. Donc ça veut dire, tous ceux qui sont moindres que les prophètes sont encore plus touchés ou concernés, si on veut, par ce point-là. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera demain, Inch'Allah, pas demain, mais au prochain cours, ce point-là. Oui, c'est-à-dire le livre de base, là, le livre. À... Oui, je te l'enverrai sur le groupe, Inch'Allah. Celui-là, il est pas en PDF. Mais le texte de le livre de Ibn Taymiyyah, Al-Furqan, Bayn Awliya Ar-Rahman wa Awliya Ash-Shaytan, on le trouve facilement sur Internet. Oui, en PDF. Et le cheikh ensuite, il va citer un verset dans les versets dans Sourate An-Nisa, le verset 60 à 65, puis il va faire le tafsir de ces versets-là. Et il prend plusieurs pages pour l'expliquer. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Presque 8 pages juste pour expliquer ces versets, 4 versets. Donc c'est pour dire que ça va être une longue explication. C'est pour ça que je me suis arrêté ici, pour qu'on puisse commencer le prochain cours avec cet tafsir de ces versets-là. Et ce qui est intéressant avec les livres de Ibn Taymiyyah, c'est ça, c'est que à la fin, ça devient comme un tafsir. Pourquoi? Parce que c'est qu'il énumère plein de versets, les uns après les autres, et c'est tous des versets qui clarifient des points qui ont rapport avec les fondements de la religion. Donc, ça devient vraiment important de bien les comprendre. Et c'est ça qui est intéressant avec les livres de Ibn Taymiyyah. surtout quand tu les lis, parce que il y a que des versets, que des hadiths, et c'est presque ça tout au long du livre. Donc il y a que du ilm, yani.